labyrinthe de mes abysses où je me suis emprisonné. Au fin fond de mes interstices, je vois le soleil se cramer. La nuit adoucit les contours et du fin fond de ma race. J'entends des bruits lointains et sourds, je retourne dans mes profondeurs. Juste une ombre dans la brume, une rumeur qui ne fait que passer. Des bruits de pas sourds sur le bitume. Demain vous l'aurez oublié. Les fantômes de mon passé drapés de leurs incertitudes. En tout couloir de mon passé, les retombent dans leur solitude. Archéologue des précipices, j'en ressors parfois les vestiges. D'une époque née au catharsis lorsque ma mémoire se fige. Juste une ombre dans la brume, une rumeur qui ne fait que passer. Des bruits de pas sourds sur le bitume. Demain, ils seront oubliés. Lorsqu'une étoile brille dans mon ombre, cherchant à me faire espérer, je m'en retourne en nos ventres de souffrance toutes ces années. Soufflant alors sur la lueur de cette lumière féerique, je replonge dans ma torpeur loin de ces idées chimériques. Juste une ombre dans la brume, une rumeur qui ne fait que passer. Des bruits de pas sourds sur le bitume. Demain ils seront oubliés. Chaque recoin de ces abîmes est une frontière loin du réel, où mes yeux se ferment à l'infime utopie d'un bruissement d'air. Le ciel obscur de l'extérieur, au clair et noir meurtri. Quand le cauchemar joue sur la peur de la nuit de nos insomnies, juste une ombre dans la brume. Une rumeur qui ne fait que passer. Des bruits de pas sourds sur le bitume. Demain vous m'aurez oublié.